Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 12. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. corrige l'exercice verset 11. أجيب على الأسئلة الآتية. بأي جامعة يدرس عبد الله؟ وكل université عبد الله يدرس؟ يدرس بجامعة الرياض. Fanien, fi ay kulliyatin yadrusu huwa? En quelle section étudie-t-il lui? Yadrusu fi kulliyatin al-hindasa. Thalithan, fi ay kulliyatin yadrusu Isa? En quelle faculté étudie Isa? Isa yadrusu fi kulliyatin tibbi. Rabi'an, fi ay kulliyatin yadrusu Ibrahim? Dans quelle section étudie Ibrahim? Ibrahim yadrusu fi kulliyatin tijarati. Khamisan, fi ay kulliyatin yadrusu Ishaq? Ishaq yadrusu fi kulliyatin adab. Fi ay kulliyatin yadrusu Ismail? Dans quelle section étudie Ismail? Ismail yadrusu fi kulliyatin al-ulum. Kulliyatin al-ulum. Kulliyatin al-ulum. Sabi'an, أين تدرس تدرس أخوات عبد الله؟ Où étudie les sœurs de Abdullah؟ يدرسنا في المدرسة المتوسطة. نعم، ماذا تدري؟ أو كوليج. ثامنا، أين يسكن عبد الله؟ Où habite عبد الله؟ يسكن مع قريب له. نعم، il habite avec l'un de ses proches. وأين يسكن إخوته؟ Et où habite ses frères؟ يسكنون في الجامعة إذن أين يسكنون؟ يسكنون في مهجع جامعتي. مهجع. مهجع جامعتي. نعم، دكتور نفس. سكوا جميعا. طيب ثانيا صحيح ما يلي كوريش كيسوي أولا لا يعرف عبد الله المهندس سلمان عبد الله ne connaît pas l'ingénieur سلمان يعرف عبد الله المهندس سلمان مهندس سلمان مهندس ثانيا عبد الله متزوج عبد الله معي عبد الله ليس بمتزوج نعم ثالثا يدرس عبد الله في السنة الأولى. عبد الله يدرس في السنة الثانية. يدرس عبد الله في السنة الثانية. نعم، دوية ماني. نزل عبد الله من حافلة قبل نزول فيصل. عبد الله descendu du bus avant la descente de فيصل. نزل فيصل قبل نزول عبد الله. نزول عبد الله. عبد الله. ثالثا أجيب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر. أولا أين تدرس أنت؟ أنا أدرس في الدار. أدرس في دار الحديث. نعم. وتدي دار الحديث. ثانيا أين تسكن؟ وبتجو. أنا أسكن في الوادي. نعم. جابت الوادي. ثالثا هل تعرف اللغة الفرنسية؟ connais-tu la langue française؟ نعم أعرفها جيدا. نعم je la connais très bien. رابعا من أي إذاعة تسمع الأخبار؟ De quelle radio écoutes-tu les informations? أسمع الأخبار في إذاعة صنعاء. J'écoute les informations depuis la radio de صنعاء. أتعرف بيت المدرس؟ Connais-tu la maison du professeur? نعم أعرفه. نعم. Oui, je le connais. Pas mal. Il y a autre chose? خامس. نعم. أكمل الجملة الآتية بوضع فعل المضارع مناسب. Donc complète les phrases suivantes en mettant un fil au présent qui correspond. جملة الأولى. الطلاب يلعبون كرة القدم كل أسبوع. نعم، les étudiants jouent au football toutes les semaines. ثانيا، المدرس يكتب الدرس على سبورتي. نعم، le professeur écrit le cours sur le tableau. ثالثا، أخواتي يغسلون يغسلنا. نعم، الثياب يغسلنا الثياب بالصابون. نعم، mes sœurs lavent les vêtements avec le savon. رابعا، أنا أقرأ القرآن كل صباح. Moi, je lis le Coran tous les matins. خامسا، أتسمع الأخبار من إذاعة. من الإذاعة. لا لا، من الإذاعة. من الإذاعة كل يوم يا عبد الله. Écoutes-tu les informations de la radio tous les jours, ô Abdullah ? سادسا، الطالبات يذهبون. يذهبنا. نعم. إلى المدرسة بحافلتين. بحافلتين المدرسة. نعم. Les étudiantes vont à l'école avec le bus de l'école. سابعا، أتسمع الأذان في غرفتك يعني. نعم. Entends-tu l'adhan depuis ta chambre, ô Ali ? ثامنا، الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة. نعم، les étudiants posent beaucoup de questions au professeur. تاسعا، النساء يأكلون. لا، يأكلن. نعم، يأكلن التفاح. les femmes mangent la pomme. عاشرا، المديرة تخرج الآن من مكتبها. نعم، la directrice sort maintenant de son bureau. عادي عشر، أنا أدرس في كلية الهندسة. نعم، j'étudie dans la section ingénierie. ثانية عشر، أختي تكتب الآن دروسها في الدفتر. ma sœur écrit maintenant ses cours dans le cahier. تمام. طيب، كيف تقول مع الفعل ذهب بالمضارع مع ضمير أنا؟ أذهب. نعم، بالحمزة. كيف تقول مع ضمير أنت؟ تذهب. مع ت. نعم. كيف تقول مع ضمير هو؟ يذهب. نعم. كيف تقول مع ضمير هم؟ يذهبون. يذهبون. يذهبون إن الفاعل. هم يذهبون. إن الفاعل. ضمير مستتر. يذهبون ضمير مستتر. يذهبون. الواو جماعة. واو جماعة. كيف تقول مع ضمير هن؟ هن يذهبن. نعم، إن الفاعل ضمير مستتر. لا، الفاعل يذهبن. نون النسوة. نون النسوة. كيف تقول مع ضمير هي؟ تذهب. نعم، بالتاء. ما هو مصدر؟ سي كوا المصدر دو فعل خرج؟ خروج. دو فعل دخل؟ دخول. نعم. دو فعل نزل؟ نزول. دو فعل ركع؟ ركوع. نعم، على وزن كلها على وزن فعل. فهمت صح؟ نعم. طيب الان سندخل في الدرس الثاني عشر، la douzième leçon qui se rapporte au féminin singulier, je crois. Kef, comment tu conjugues un verbe ayeb avec anti fi'l mudari. طيب، فاكرمك حامد وانت تكرمك ام حامد احمد افن. طيب، وايضا في البنات فيما بعد استكرم ايضا من البنات. أنا أقول ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ que fais-tu ô أم أحمد، mère de أحمد؟ أبحث عن الدواء. الدواء. الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. dit je cherche les médicaments que j'ai pris de l'hôpital hier. Akhada, c'est prendre. Akhastou, c'est j'ai pris. Hamid Yaboul. Houa, ala al-maktabi, fi rulfati. Kifa haluki, al-yom. La'allaki, al-yom, ahsan. Et dit, donc le médicament est sur mon bureau, dans ma chambre. Comment vas-tu aujourd'hui? En espérant qu'aujourd'hui tu sois meilleur, dans un meilleur état. Na'am, ana al-yom, ahsan. Alhamdulillah. Dit oui, je suis mieux aujourd'hui. Et la louange à Allah. Hamid Yakoul, mata tadhhabina ila al-mustashfa. Quand vas-tu à l'hôpital? Sa'adhhabu ba'da sa'atin insha'Allah. Donc je vais y aller dans une heure insha'Allah. Hamid Yakoul, ma'a man tadhhabina, avec qui vas-tu? Y vas-tu? Sa'adhhabu ma'a Ahmada. Je vais y aller avec Ahmed. Hamid Yakoul, et'alifina at-tabibata allati dhahabti ilayha ams. Connais-tu le médecin femme à laquelle tu as été hier, chez laquelle tu as été hier? Na'am, a'rifuha. Ismuha ad-doktoura Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fi al-mustashfa. Donc oui, je la connais. Elle s'appelle docteur Su'ad et ils disent qu'elle est la meilleure docteur femme dans l'hôpital. Hamid Yakoul, Mada taf'alouna ya abnai. Que faites-vous, ô mes fils? Donc là, taf'alouna, c'est avec Mukhatab Jam, c'est Antum. Naktubu al-wajibat. Ils disent, nous écrivons les devoirs. Hamid Yakoul, Atafhamouna ad-durusa jayidan. Est-ce que vous comprenez très bien, vous comprenez bien les cours? Na'am, nafhamouha jayidan walhamdulillah. Dit oui, nous les comprenons bien, et la louange à Allah. Ay suratin tahfazuna al-an? Quelle sourate mémorisez-vous actuellement? Am ana fa ahfidu suratul mulk. Wa amma ha'ula'i fa yahfaduna suratul qalam. Dis, moi, en ce qui me concerne, j'ai comme ça, je mémorise surat al-mulk, la royauté. Et quant à cela, eux, ils mémorisent surat al-qalam, la plume. Maza tafalna antunna ya banati. Que faites-vous, ô mes filles? Nahnu al-an nal'abu. Maintenant nous jouons. Hamid Yakoul, afi waqti al-'amal tal'abna. Mata taqra'na al-durus al-durus wa mata taktubna al-wajibat? Dans le temps de travail que vous jouez, quand lisez-vous vos cours et quand est-ce que vous écrivez vos devoirs? Nahnu qara'na ad-durus wa katabna. Nous avons lu les cours et nous avons écrit les devoirs de la louange d'Allah. Ahsantunna ya banati. Hakaza taf'alu al-tilmizatu al-mujtahidatu. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna. At'alifna ay annaha marida. Donc il dit très bien, c'est comme ça, très bien, ô mes filles. Est-ce que c'est comme ça que doit faire les étudiants studieuses? Tilmiz, mana talib, nafshay. Tilmizat, c'est comme talibat. Quand allez-vous visiter votre tante maternelle? Savez-vous que elle est malade? Na'am, na'rifu dhalika, shafaha Allah. Sanadhhabu li ziyaratiha hadha al-masa'i insha'Allah. Hadha al-masa'i insha'Allah. Elle dit oui, nous savons cela, qu'elle la guérisse. Nous allons la visiter cet après-midi, Inch'Allah. Ya Ahmedou, ata'alifou mata yarji'ou, ajiran ou mid Mekka. Oh Ahmed, sais-tu quand est-ce que les voisins vont-ils revenir de Mekka? Jiran, Jamjar, le voisin. Qala li Yusuf, innana sanarji'ou fi usbu' al-qadimi. Adonnu innahum. Donc Ahmed dit, Youssouf m'a dit, nous allons revenir la semaine prochaine. Donc je pense qu'ils vont revenir samedi, Inch'Allah. Youm al-Sabt, c'est samedi. Non. Donc comme tu as pu voir, c'est pas seulement avec le féminin, c'est en fait c'est même avec le Mukhatab Jam Mouannaf et aussi Mutakallim Jam Nahnu. Et avec Antunna et avec Anti. Et avec Antum aussi. En fait, là, il va donner les autres demi-heures qui manquaient du ders précédent. Tayyib. Donc, le tamarin, l'awel. C'est tamarin. Il a, sahih mayali. Donc, celui-là, Inch'Allah, tu vas le faire à la maison. Tu le corriges ce qui suit. Et normalement, il sera pour le texte. Inch'Allah. Tayyib. Bon, maintenant, on va voir comment, Inch'Allah, ça se passe pour un verbe au à présent. Lorsque le sujet, c'est un ra'ib, mouannas, mufrad. Un interlocuteur féminin singulier. Donc, comment tu dis, masalem, ma zahaba, toi tu dis, ana azhabu, je vais. T'as anta tazhabu, tu vas. Et quand c'est pour une femme, tu dis, anti tazhabina. T'as tazhabina. Tu rajoutes un ya et un nun. Et ce ya, c'est l'ulfa'il, c'est un domir. C'est l'ulfa'il. Il s'appelle ya al-mu'annath al-mukhataba. Ya al-mu'annath al-mukhataba. Et c'est l'ulfa'il. Donc il n'est pas mustatir, il est zohir, il est apparent. Donc c'est comme ça que ça se passe pour tous les fi'al. On doit lire, il commence par un ta, et à la fin tu rajoutes un ya et un nun avec une fatha. Tazhabina, taktubina, tafhalina, et ainsi de suite. Donc maintenant, il dit Anis al-fa'il fi kul min jumel atiya. Donc féminise le sujet, rend le féminin dans toutes les phrases suivantes. Masalan jumel oula, la première phrase, il dit Et ta'alifu al-lughat al-arabiya ya akhi. Il dit connais-tu la langue arabe, ô mon frère. Donc au féminin, ça va être comment Et ta'alifina. Donc connais-tu la langue arabe, ô ma sœur. Donc là, c'est quoi la différence? On parle à une femme. Donc comme on a dit, le fi'l, à la fin, on lui met un ya et un nun avec une fatha. Talifina. Taïeb. La jumla thaniya. Il dit, Mada ta'kul ya Muhammadu. Que manges-tu, ô Muhammad? Donc féminin. Mada ta'kulina ya Zainab. Naam. Salifan, Aina tajlisu fil fasli ya Ahmedou. Où t'assois-tu dans la classe, ô Ahmed? Aina tajlisina fil fasli ya Amina. Naam. Rabi'an, Mata tazhabu il mustashfa ya Abi. Quand vas-tu à l'hôpital, ô mon père? Mata tadhabina il mustashfa ya Umi. Naam. Mada takul ya Ahi. Que dis-tu, ô mon frère? Mada تقولين ما في يا حمزة تقولين ماذا تقولين يا أختي نعم سادسا متى ترجع من المدرسة يا علي quand reviens-tu de l'école ou علي ماذا ترجعين من المدرسة يا رقية سابعا إلى من تكتب هذه الرسالة يا بشير pour qui écris-tu cette lettre ô Bachir إلى من تكتبين تكتبين هذه الرسالة يا بشرى لا أنا طيب ثامنا أي سورة تحفظ الآن يا أخي quelle sourate mémorises-tu actuellement au mon frère أي سورة تحفظين الآن يا أختي نعم تاسعا أتفهم الدرس جيدا يا حامد Comprends-tu bien le cours, ô Hamid? Atafhamina al-darsa jayidan ya Aisha. Non. Ashiran. Mata tarsilu adal kamisa ya Yasir. Quand laves-tu ce kamis, ô Yasir? Mata tarsilina. Tarsi. Tarsilina adal kamisa ya Zainab. Non. Donc comme on l'a dit, voyez, pour le mufrad, mukhatab, mu'annath, on met un ya et un nun avec une fatha. Et ce ya, c'est lui le mukhatab, c'est lui le fa'il. C'est un damir muttasil, c'est lui le fa'il. Donc maintenant, on va prendre quoi? Toujours le mukhatab, le mu'annath, seulement maintenant, c'est quoi le jam? Vous à des femmes. C'est-à-dire comment on s'exprime avec des femmes. Dans le halal, bien sûr. Thalithan. Annif al-fa'ila fi kulli min jumal atiya. Donc il dit, rend féminin le sujet dans les phrases qui suivent. Mathalan, jumal oula, yakul, aina tadhabuna ya ikhwan. Où allez-vous, ô mes frères? Donc là, tadhabun, c'est mukhatab jam muzakkar. C'est l'interlocuteur au pluriel masculin. Donc on met un ta au début, et ensuite on met waw jama'a et nun. Tadhabuna, tafhaluna, taktubuna, ay antum. Donc maintenant on veut quoi? Antunna. Donc comment on va dire? On va dire aina tadhabna. Ya akhawat, où allez-vous, ô les sœurs? Donc comme c'est un mukhatab, toujours on met un ta au début, et à la fin, nous n'y soit. Fakat. Vous voyez, un ta au début, comme pour anta, ou comme pour anti, comme pour antum, sauf qu'après on met le damir à la fin, c'est nous n'y soit. Donc tu dis, tazhabna, taktubna, tajlisna, takra'na, et ainsi de suite. Mafoumada? Taïeb. Jumla thaniya. Aina taskununa ya rijalu, où habitez-vous, ô les hommes? Aina taskunna ya nisa. Naam. Farithan, al-kahwata, al-kahwata tashrabuna am ashay ya ikhwan. Est-ce le café que vous buvez ou le thé, ô mes frères? Al-kahwata tashrabna am ashay ya akhwat. Naam. At-ta'lifuna rakm hatif al-jami'ati ya ikhwan? Connaissez-vous le numéro de téléphone de l'université, ou les frères? At-ta'rifna rakm hatif al-jami'ati ya ikhwan. Donc comme tu as vu là, hatif, hatif c'est téléphone. Tayeb, hatif c'est un téléphone et rakm c'est le numéro. Rakm c'est numéro. Khamisan, lima tadhakuna ya awlad. Pourquoi rigolez-vous, ô les enfants? Donc, dahika ya tadhaku, c'est rigoler. Tayeb, c'est rigoler. Lima tadhakuna ya awlad. Naam. Sadisan, takra'una et takra'una le Qur'an kul sabah ya ikhwan. Lisez-vous le Qur'an tous les matins, ô les frères? Takra'na. القرآن كل صباح يا أخوات. نعم. سابعا أتسألون المدرسة أسئلة كثيرة يا أولاد. questionnez-vous de nombreuses questions, posez-vous de nombreuses questions au professeur ou les enfants. أتسألنا المدرسة أسئلة كثيرة يا أولاد. نعم. Mais il y a 10 minutes, qui se peut que les gens n'arrivent pas à cerner. Comme ils sont habitués à dire Aouled pour les garçons. Bien que l'origine, comme je t'ai dit, Aouled, c'est pour les deux à la base. Thaminan, atasma'un al-akhbara min al-iza'ati kull yawm. Écoutez-vous les informations de la radio tous les jours? Atasma'na al-akhbara min al-iza'ati kull yawm. Tasian, ma'a man tal'abuna ya abna'i? Avec vous, avec qui jouez-vous, ô mes fils? Ma'a man tal'abna ya banati. Naam. Ashiran, lima tajlisuna huna ya rijal? Pourquoi vous asseyez-vous ici, ô les hommes? Lima tajlisna huna ya nisa. Naam. Attendez, madame, mafoum. Fa antum, mathalan avec zahaba, c'est antum tadhhabuna. Et avec antunna, c'est antunna tadhhabna. Mukhatab al-jam, muzakkar wa muannas. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être un mutakallim et jam. Nous n'avons que mutakallim et mufraj c'est ana. Taïeb, ana adhabu, ana aktubu. Et maintenant ça va être quoi? Avec nahnu. Taïeb, nahnu. Donc il dit, hawwil al mubtada fi kulli min jumal atiyati ila jam. Donc transforme le mubtada dans toutes ces phrases en pluriel. Ce qui fait qu'ils vont découler des suites dans la phrase. D'autres choses vont changer. Mathalan, il dit, ana afhamu ad-darsa jayidan. Moi, je comprends très bien le cours. Donc, comme on avait dit, le verbe, le fi'l mudari, tayeb, ma damir, ana, yabda bil hamza. Ana, af'al, ana, aktub, ana, azhab, hamza. Maintenant, avec nahnu, il commence par un nun, tout simplement. Mathalan dit, nahnu, nafhamu, Ad-darsa jayidan. Donc nous comprenons très bien le cours. Juste mais nous au début. Et là, le fa'il, c'est un damir mustadir et c'est nahnu. Damir mustadir, c'est nahnu. Nahnu nafhamu ad-darsa jayidan. طيب. Thaniyan, ana la adhhabu ila souq kull yawm. Moi, je ne vais pas au marché tous les jours. Nahnu la nadhhabu ila souq kull yawm. Non. Thalithan, ana ashkuruka ya ustaz. Dis-moi, je te remercie, ô professeur. Nahnu nashkuruka ya ustaz. Non. Rabi'an, ana ajlisu amama al-mudarris. Moi, je m'assois devant le professeur. Nahnu najlisu amama al-mudarris. Non. Khamisan, ana al-an aktubu balqiyatan. Donc, moi, j'écris actuellement un télégramme. Nahnu al-an naktubu balqiyatan. Nam, donc ça c'est mafoum. Donc en fait, si on récapitule le verbe amudari avec le damaïr, ma'adhaba, on va dire ana adhabu. C'est-à-dire anta tadhabu, anti tadhabina, antum tadhabuna, antunna. Tadhabna. Ensuite, tu dis Hua yadhabu. Damir Moustatir Kazalik. Hiya tadhabu. Hum yadhabuna. Wahunna yadhabna. Et il en manque encore deux de Damir qui n'ont pas encore été étudiés. C'est le Moussanna. Pour dire deux. Taïeb. Dans Takil Khamis, cinquième, il dit Amam kulli jumlatin siratan lil fi'l. Ihtar as-sighata sahihata wa kmil biha al-jumla. Donc il dit devant chaque phrase, tu as deux exemples. Vous voyez, deux propositions, deux verbes. Toi, je vais choisir celui qui est correct pour compléter les phrases. Donc tu as ou un muzakkar, ou tu as ou un muannath, ou tu as ou un pluriel, ou un mufrad, ainsi de suite. Donc hada al-khamis wa sayakun fil bayt. Il sept, inshallah. طيب سادسا تامل الامثله الاتيه ميديت سو كي سوي ça va venir avec quoi là avec inna wa anna il donne des exemples quand utiliser inna quand utiliser anna et quand des fois on pense qu'on doit utiliser l'un des deux alors ce n'est pas le cas on avait dit quoi nous que inna il vient quand en début de phrase non mais anna il vient en cours de phrase ça c'est l'origine طيب premier exemple il dit Samirtu annaha ahsanu tabibatin fi mustashfa. Ça c'était une phrase qui était dans le texte. Il dit j'ai entendu qu'elle était le meilleur médecin femme dans l'hôpital. Donc là on regarde Samirtu annaha. On a mis anna pourquoi? Parce qu'il vient en cours de phrase, il n'est pas au début. Vous voyez? Et l'on traduirait par que. J'ai entendu que ou qu'elle était. Vous voyez? Qu'elle était. Deuxième exemple, yakuluna innaha Arsenu Tabibatin fi mustashfa. Ils disent qu'elle est le meilleur docteur femme dans l'hôpital. Donc attention, après le verbe qala yaqulu, qui veut dire, même si il vient en cours de phrase, tu dis inna. Après faire qala, tu dis inna. Tu dis pas yaqulu anna kada kada kada. Là, tu dis yaqulun inna kada wa kada kada. Parce que là, tu rapportes une parole. Vous voyez, tu rapportes une parole. Donc là, après le verbe qala yaqulu, tu mets inna avec la kasra. Troisième exemple, inna al-Qur'ana kitabullah. Très certainement, le Qur'an c'est le livre d'Allah. Donc là, comme c'est venu en début de phrase, on dit quoi? Inna. Avec une kasra. Qur'an c'est ism inna, mansoub. Et kitab, c'est khabar inna, marfour, et les mudaf, walaf jalala, Allah, mudaf ilay. Donc là, il te le redit. Fi awal jumla, inna. En début de phrase, on dit inna. بعد قال après le verbe قال يقولوا qui veut dire tu dis إن pareillement avec une كسرة بعد الأفعال الأخرى et après les autres verbes tu dis أن voyez après les autres verbes hormis قال tu dis أن comme là il a dit l'exemple avec سمعت il dit إقرأ الجمل آتية مع ضبط حمزة إن ou أن donc là tu vas lire les phrases qui arrivent et tu vas faire attention tu vas mettre le حمزة ou avec une kasra ou avec une fatha en fonction de ce qu'il y a besoin. Tfaddal. Jumel oula. Adun annahu at-talibun jadidun. Innahu talibun jadidun. Aïd. Adun annahu talibun jadidun. Non, je pense qu'il est un nouvel étudiant. Thanian. Qala al-mudarrisu anna at-taliba al-jadida mujtahida. Mujtahidun. Mujtahidun jiddan. Là. C'est quoi le verbe là? Non. Le professeur a dit que le nouvel étudiant est très studieux. Thalithan. Samiatu an al mudarrisu ma ja' al yawm. Akhtata. أن المدرسة نعم ما جاء اليوم. J'ai entendu que le professeur n'est pas venu aujourd'hui. رابعا. إن الله ربي. نعم. C'est Allah est mon Seigneur. خامسا. قال زميلي إن المدرسة ما جاء اليوم. لا. ما هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ C'est quoi le verbe? Le verbe, c'est quoi là? Non, donc? J'ai mis inna. T'as dit inna? Ouais. J'ai entendu inna. Ouais. Donc il a dit que mon camarade a dit que le professeur n'est pas venu aujourd'hui. Tayeb. Sadisan? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Sabi'an. قرأت في الصحفية في صحيفة في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع من لندن غدا. نعم. J'ai lu dans le journal que le ministère de l'Intérieur va revenir de Londres demain. Donc وزير خارجية c'est ministre extérieur, Afwan. Je dis intérieur. Non, c'est extérieur, non. C'est le ministre de l'extérieur. Non. Saminan. Donc j'ai plutôt le ministre des Affaires étrangères. Mmh. Ouais, non. Ça se dit pas ministre des Affaires extérieures. Comment on dit l'intérieur, non. Adonnu annaka min al-Pakistani. Je pense que tu es du Pakistan. Falali tabibu. إنك لست بمريض. نعم. Le médecin m'a dit, certes, tu n'es pas malade. أظن أن الطبيبات. Comment tu dis? C'est quoi les حركات? أن الطبيبات. C'est quoi les حركات? طبيباتا. أن الطبيباتي. أيوة. كسرة. منصوب. أن الطبيباتي. تبيهم كيش. أن الطبيبات التي خرجنا من المستشفى الآن من الولايات المتحدة. المتحدة. نعم. Je pense que les étudiantes qui viennent de sortir de l'hôpital maintenant sont des États-Unis. C'est pas les étudiantes, c'est les médecins. طبيب أيوة médecin طبيب طبيبات. حادي عشر. أتعرفين أن طالب أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف خمس لغات. Donc là il dit en parlant à une femme, est-ce que tu sais que la nouvelle étudiante qui est arrivée il y a trois jours connaît cinq langues? إن الدرس سهل. Certes, le cours est facile. يقولون أن يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من الشهر رجب. من شهر رجب. Donc ils disent que l'examen sera dans la première semaine du mois de Rajab. Rabi Achar. Penses-tu que je suis faible? Ensuite il dit Sabian Hadi Asma Ayem al-Usbour. Donc là c'est le nom des jours de la semaine. Yomu Es-Sabti, c'est le samedi. Yomu Al-Ahad, c'est le dimanche. Yomu Al-Isnaini, c'est le lundi. Yomu Thulatha, c'est le mardi. Yomu Arbi'a'i, c'est le mercredi. Yomu Al-Khamis, c'est le jeudi. Yomu Al-Jumu'a, c'est le vendredi. Ma'alouf Jumu'a. طيب السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس والجمعة. تمام. الآن يدون الكلمات الجديدة لنوفومو. دواء جم أدوية. ça c'est médicament. remède. تلميذ جم تلاميذ. طيب ça c'est معنى طالب un étudiant un élève. هاتف جم هواتف تليفون. وزير الخارجية c'est le ministre des affaires étrangères et non pas extérieures comme tu m'as corrigé. واجبات c'est les choses obligatoires, c'est les obligations, là le sens voulu c'est les devoirs. Tilmizatun, jam tilmizat, c'est le féminin de tilmiz qui est une élève, une étudiante. Amelun, jam armel, c'est des œuvres, des actes, ou du travail aussi. Shahida yashhadu, c'est témoigner, attester. Jarun, jam jiran, ça c'est le voisin. Ibjar, c'est le voisin. Rokmu, jam arkan, c'est numéro. Waktun, jam awkat, c'est le temps. Et dohika, yathaku, c'est un verbe qui veut dire rigoler. Vous voyez, il veut dire rigoler. Mafoum, adadars? Naam. ما عندك سؤال؟ كما العادة لا. طيب. فنقول الحمد لله رب العالمين.